Chapitre 27e. Retour à Stonington. Orage, émigrants, maladie, Alexandrie. Une quinzaine se passa rapidement dans cette grande ville, et sans doute il s'y trouvait encore beaucoup de choses que nous n'avions pas vues quand nous en partîmes pour aller rejoindre nos amis dans le Maryland, comme nous en étions préalablement convenus. Nous y retournâmes par une autre route, allant par terre de Newcastle à Frenchtown au lieu de prendre le canal. Nous arrivâmes à Baltimore au milieu de la nuit, mais nous la finîmes à bord du bâtiment à vapeur et nous partîmes pour Washington le lendemain à 5 heures du matin. Le court séjour que nous avions fait au milieu de la chaleur étouffante d'une ville nous fit jouir plus que jamais des beaux paysages qui entourent Stonington. L'automne, qui s'avança bientôt, revêtit de nouveau les bois de couleurs trop variées et trop brillantes pour que ceux qui n'ont jamais quitté l'Europe puissent s'en faire une idée. Et le majestueux maïs, agitant ses longues fleurs tombantes, faisait que chaque champ semblait une petite forêt. Un printemps pluvieux avait été suivi d'un été d'une chaleur extraordinaire, et vers l'automne, de fréquents orages d'une violence terrible éclaircirent l'atmosphère, mais en même temps nous firent presque perdre l'esprit de frayeur. Dans une occasion, je fus exposé avec mes enfants à toute la fureur d'un de ces phénomènes imposants. Nous éprouvâmes une grande terreur pendant cet orage, mais quand nous nous trouvâmes en sûreté et à l'abri, nous fûmes charmés que cet accident fût arrivé, parce qu'il nous fournit la meilleure occasion possible de voir un orage transatlantique dans toute sa gloire. C'était une grande imprudence qui nous y avait exposés, car nous quittâmes la maison et nous gravîmes une montagne qui en était à une distance considérable uniquement pour mieux voir l'aspect extraordinaire des nuages. Quand nous arrivâmes au sommet, la moitié du firmament nous parut couverte d'un rideau épais. Une sorte de bleu foncé, presque noir, semblait colorer l'atmosphère. Les busards poussaient de grands cris, en se rapprochant de la terre sur leurs lourdes ailes. La plus simple prudence aurait dû nous faire retourner sur le champ à la maison, mais la scène était trop belle pour la quitter. Après que nous fûmes arrivés à notre poste, l'air, pendant plusieurs minutes, parut sans le moindre mouvement. Nul éclair ne perçait la nue, qui lui opposait un bouclier impénétrable. Mais on voyait par intervalles une lumière jaillir çà et là par derrière. Le tonnerre gronda et s'approcha par degrés. Enfin, le nuage noir se fendit et vomit une cataracte de feu. Depuis ce moment, il n'y eut plus ni pause ni intervalle. On ne distinguait ni éclair ni coup de tonnerre. Mais le ciel était en feu et la foudre éclatait sans intermission. Nous étions debout, immobiles, et frappés d'une stupeur qui avait pris la place de la terreur. Nous en sortîmes bientôt car tout à coup, et comme de dessous nos pieds, il s'éleva un ouragan qui menaçait de confondre tous les éléments. Des torrents de pluie tombaient avec une violence qui semblait vouloir briser la terre. Des tourbillons épais de poussière se soulevaient comme pour marcher à leur rencontre. Mais malgré le déluge qui tombait, le firmament n'en brillait que de plus de feu, et l'ouragan, dans sa fureur, empêchait presque d'entendre les éclats du tonnerre. Le vent l'emporta enfin sur les autres puissances de l'air, et après avoir exercé sa force sauvage tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et avoir mis en contact hostile d'immenses volumes de nuages, il finit par les chasser du firmament, n'y laissant que quelques masses éparses d'où naquit un glorieux arc-en-ciel. Se retirant alors, il laissa la terre le soin de relever ses forêts à demi courbées et à nous, pauvres pygmées, celui de rappeler nos sens égarés et de reprendre haleine aussi bien que nous le pouvions. Pendant cet ouragan, il nous aurait été impossible de nous soutenir sur nos pieds. Nous nous assîmes à l'abri d'un monceau de pierre, couvert d'une pâleur mortelle, comme nous nous le dîmes les uns aux autres. Plusieurs arbres furent abattus sous nos yeux, les uns déracinés, les autres, malgré leur grosseur, brisés à quelques pieds du sol. Si les ouragans des Indes occidentales surpassent la violence de celui-là, ils doivent être véritablement terribles. La situation de la maison de Mrs. S. était regardée comme particulièrement salubre, et je crois que c'était avec raison, car en plus d'une occasion, des gens attaqués de la fièvre, à 1 mile ou 2 de distance, en furent complètement guéris en passant 8 à 15 jours à Stonington. Mais il n'en est pas de même des environs, notamment du côté qui touche au Potomac, et la mortalité parmi les ouvriers qui travaillaient au canal était effrayante. J'ai énoncé ailleurs le doute où je suis que les ouvriers indigents de notre pays améliorent leurs conditions en émigrant aux États-Unis. Mais ce ne fut que lorsque le voisinage du canal du Chesapeake et de l'Ohio me fournit l'occasion de savoir quelle était leur situation après avoir changé de pays, que je compris pleinement combien ce changement était peu désirable pour eux. Les Irlandais forment la grande majorité des hommes blancs qui travaillent à ce canal. Leur gage consiste en 10 à 15 dollars par mois, un logement misérable et une ample ration de whisky. C'est ce poison détestable qui les tente et qui, dans le fait, les met en état de résister pendant un certain temps à la chaleur brûlante du soleil, dans un climat funeste à la santé. Car c'est un pays semblable, voisin du Potomac, aussi malsain que romantique, qu'a coupé jusqu'ici la ligne de ce canal. La situation de ces pauvres étrangers, quand ils succombent enfin à la fièvre qui ne manque pas de les attaquer tôt ou tard, est déplorable. Il existe une forte prévention contre les Irlandais dans toutes les parties de l'Union, mais ils font deux fois autant d'ouvrages qu'un nègre, et c'est une raison pour qu'on les emploie. Quand ils tombent malades, ils peuvent, ils doivent même regarder d'un œil d'envie les esclaves dont ils sont entourés, car on prend soin de ceux-ci, on les veille, on leur donne les secours de la médecine, comme on le ferait pour un cheval de prix. Mais il n'en est pas de même d'un Irlandais. On le congédie, et un nouveau venu prend sa place. On nous a souvent donné sur leurs souffrances et sur leurs morts des détails qui sont trop pénibles pour être rapportés. Un jour, un fermier étant venu à la maison dit qu'un pauvre homme, paraissant à l'instant de mourir, était couché près d'un petit ruisseau, à un quart de mille de distance. Quelqu'un de la famille s'y rendit sur le champ, et il y trouva un malheureux qui avait déjà perdu le pouvoir de parler. Il fut transporté à la maison, et il expira pendant la nuit. En prenant des informations au canal, on apprit que c'était un ouvrier irlandais, qui, étant tombé malade, et ayant dépensé jusqu'à son dernier centime, avait fait la tentative désespérée de quitter la hutte étouffante qu'il occupait pour se rendre à Washington, je ne sais dans quel espoir. Il ne paraissait pas avoir plus de 20 ans, et comme je regardais ses traits jeunes et pâles, qui même après la mort exprimaient la souffrance, je songeais qu'il avait peut-être quitté sa mère et sa maison pour aller chercher la richesse en Amérique. Je le vis enterré sous un groupe de ces arbres qu'on appelle ici « locust ». Son nom était inconnu à ceux qui lui rendaient ce dernier devoir, mais toute la famille assista, ce qui donnait un air de décence à des funérailles qui, rarement en ce pays, honorent les restes de la poussière britannique. Mais nul prêtre n'était présent, nulle prière ne fut prononcée, nulle cloche ne sonna. Ce sont des cérémonies auxquelles on ne songe pas, et qu'on ne pourrait observer sans une grande dépense, à une telle distance de toute ville. Quand même le pauvre jeune homme eût été américain, il aurait été mis en terre sans plus de cérémonie. Mais si ce malheureux Irlandais fût tombé malade, dans la même pauvreté, parmi ses concitoyens, il aurait trouvé une couverture pour garantir ses membres tremblants et une main amie pour lui fermer les yeux. Les pauvres de la Grande-Bretagne, que la détresse ou un esprit d'entreprise tente à essayer d'un autre pays, doivent, pour beaucoup de raisons, se rendre dans le Canada. Ils y trouveraient des secours et de la compassion, au lieu de la haine, de la méchanceté et du manque de toute charité. J'ai souvent entendu se plaindre vivement, et ces plaintes sont répétées constamment dans les journaux, d'une pratique qu'on prétend généralement adopter en Grande-Bretagne, d'envoyer dans les États-Unis des cargaisons des pauvres qui sont à la charge des paroisses. Un journal de Baltimore fait précéder quelques remarques à ce sujet des mots suivants « infâme conduite ». Il parle ensuite d'une cargaison de vieux pauvres récemment arrivés d'Angleterre et ajoute « John Bull a pressé l'orange et maintenant il ne jette insolemment l'écorce à la tête ». Tel étant le sentiment général, on croira aisément qu'il n'est pas vraisemblable que ces infortunés trouvent beaucoup de bonté ou de compassion dans leur maladie ou dans leurs souffrances de tout genre. Si ce que disent les Américains à ce sujet est vrai, et que diverses paroisses d'Angleterre, par suite de leur population excessive, se déterminent à payer le voyage et l'équipement de quelques-uns de leurs pauvres pour les faire passer de l'autre côté de l'Atlantique, pourquoi ne pas les envoyer dans le Canada? Il est pourtant certain que tous les renseignements que j'ai pu prendre n'ont pas prouvé la vérité de ce qu'assurent les Américains. Tout ce dont j'ai pu me convaincre, c'est qu'il est arrivé tous les ans dans les États-Unis beaucoup de pauvres Anglais et Irlandais, sans autre ressource que celle que leur fournissait leur travail. quoique cela soit fort différent des histoires rapportées dans les journaux, c'en est assez pour fixer l'attention sur ce sujet. Il est généralement reconnu que les souffrances de nos classes ouvrières viennent de l'excès de notre population et il est impossible de voir un pays tel que le Canada, avec son étendue, sa fertilité, son beau climat, et de savoir qu'il appartient à la Grande-Bretagne, sans éprouver autant de chagrin que de surprise qu'on n'y cherche pas des moyens de secours. Combien n'est-il pas désiré que ce sentiment si louable, qui se montre toujours si actif en Angleterre pour secourir les infortunés, se dirige systématiquement vers le but de favoriser l'émigration au Canada. On lève tous les ans des sommes considérables pour des objets de charité par des souscriptions d'un penny par semaine. Si l'on consacrait à cet objet une partie des sommes obtenues de cette manière, on pourrait tous les ans envoyer des centaines de familles peupler un pays qui nous appartient. Le sentiment religieux qui se mêle si naturellement à tous les projets charitables trouverait là le plus beau champ pour s'exercer. Or, un missionnaire, protestant ou catholique, pourra-t-il trouver une plus belle mission que celle qu'il enverrait instruire et consoler ses concitoyens dans le désert? Ou pourrait-il recueillir une plus haute récompense dans ce monde qu'en voyant ce désert se changer en champ fertile sous les mains de son troupeau? Je n'ai jamais vu tant de fleurs d'automne qu'il n'en croit dans les bois et dans les pâturages du Maryland. Un second printemps semblait revêtir les champs, mais j'avoue avec honte et regret que je connaissais à peine un seul nom de ces fleurs précieuses. Je crois que l'aster de la Saint-Michel et le poirier épineux étaient presque mes seules connaissances. Que personne n'aille en Amérique sans avoir préalablement étudié la botanique. C'est, comme l'a dit un ami plein d'esprit, un amusement qui sert admirablement dans toutes les circonstances et qui doit être surtout précieux en Amérique, tant par le manque total d'autres amusements que par l'abondance des matériaux qu'elle offre pour jouir de celui-ci. D'ailleurs, si vous mourrez d'envie de savoir le nom de quelqu'une de ces aimables étrangères, il y a 1000 contre 1 à parier que vous ne trouverez personne pour vous l'apprendre. La plus belle éclipse de lune que j'ai jamais vue fut celle qui eut lieu cette année en 1830, en septembre. Nous avions passé quelques heures à regarder l'aspect solennel de la cataracte du Potomac, et comme nous nous préparions à quitter ce lieu, la pleine lune se leva au-dessus des pins sombres, ayant la moitié de son disque couvert par l'ombre de la planète que nous habitons. L'effet qu'elle produisit en se levant ainsi éclipsée fut infiniment plus frappant que si nous l'eussions vu s'obscurcir graduellement, et quand je me retournais pour jeter un regard sur l'abîme profond que je laissais derrière moi, et que je vis l'aune à poison et la vigne vénéneuse étendre leurs rameaux dangereux sur les rochers d'alentour, je pensais qu'il ne manquait à cette scène que la figure de quelques vieilles canidies cueillant leurs branches fatales pour en composer quelques charmes malfaisants. Je ne sais si quelques sorcières semblables suivit mes pas, mais avant que quelques heures se fussent écoulées, j'éprouvais encore l'influence fatale de l'automne en Amérique. Une fièvre née pendant l'éclipse épuisa bientôt mes forces, et quoiqu'elle n'ait pas duré aussi longtemps que celle de l'année précédente, je me persuadais que je n'en guérirais jamais. Ce pressentiment ne se réalisa point, mais on déclara qu'un changement d'air m'était indispensable, et l'on décida, car j'étais hors d'état de prendre une décision moi-même, que j'irais à Alexandrie, jolie ville à environ 15 000, qui avait la réputation de posséder un médecin habile. Ce ne fut pas sans regret que nous quittâmes nos amis de Stonington, mais cette mesure me fut très salutaire. Un séjour de quelques semaines à Alexandrie rétablit assez mes forces pour me permettre d'aller me promener sur une petite hauteur couverte de verdure, tout à fait hors la ville, mais qui en est à très peu de distance, et d'où nous pouvions voir toutes les barques qui courent le Potomac entre Alexandrie et Washington. Mais, quoique je regagnasse mes forces peu à peu, j'étais encore bien loin de me trouver en bonne santé, et renonçant à tous nos plans de gaieté pour l'hiver, nous résolûmes de le passer où nous étions et où nous nous trouvions fort bien logés. Il fut extrêmement rigoureux, et le Potomac fut tellement gelé que les chariots qui venaient du Maryland pour le commerce le traversaient sur la glace, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans. Nous n'en étions qu'à 5/4 de mille, et nous nous hasardâmes à braver le froid et à traverser ce miroir, aussi glissant que brillant, pour aller faire une visite à l'autre rive. Ce n'était pas sans peine que nous pouvions nous soutenir sur nos pieds, mais nous en fûmes indemnisés par l'aspect d'un des plus beaux paysages d'hiver que l'œil puisse voir. Quand enfin le dégel arriva, la neige fondue causa une débâcle si violente que le long pont de Washington fut emporté. Pendant plusieurs jours, on en vit flotter de grands fragments au milieu de glaçons énormes, et il était curieux de voir avec quelle intrépidité les jeunes marins d'Alexandrie risquaient leur vie pour faire leur butin des bois qui avait servi à sa construction. L'éclipse de soleil du 12 février 1831 fut plus près d'être totale que je n'en avais jamais vue et que je n'en verrai jamais. Elle fut complètement annulaire à Alexandrie, et l'anneau brillant qui entourait l'ombre de la lune, quoique seulement de 81 degrés de largeur, donnait assez de clarté pour qu'on pût lire les plus petits caractères d'impression. Il est vrai que la neige contribuait beaucoup à diminuer l'obscurité, car le ciel n'étant couvert d'aucun nuage, elle réfléchissait admirablement toute la lumière qui nous restait. Malgré le froid extrême, nous passâmes tout le temps que dura l'éclipse en plein air, sur une hauteur, près de la rivière. Et dans cette situation, nous pûmes admirer plusieurs beaux effets de ce phénomène. L'approche rapide et le changement des ombres, la teinte sombre du large Potomac, qui semblait absorber la faible lumière que ses rives couvertes de neige répercutaient, et le changement graduel de tous ces objets, qui perdaient le coloris brillant que leur donnait le soleil, pour prendre une teinte générale d'un pourpre sombre et triste. Les mugissements mélancoliques des troupeaux et la courte mais remarquable interruption de tous les travaux donnaient à cette scène un air mystérieux et imposant que nous nous rappellerons longtemps. Pendant les mois suivants, je m'occupais en partie à revoir mes notes et à préparer ces pages, en partie à me mettre au courant, autant qu'il m'était possible, de la littérature du pays. Tout en relisant et en transcrivant mes notes, je fis un sévère examen de conscience. Je passai en revue tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais senti, et je pesais scrupuleusement chaque expression de désapprobation. Le résultat fut que je supprimai beaucoup de choses que j'avais écrites, trouvant qu'elles contenaient des détails inutiles d'objets qui m'avaient déplu. Mais tout en le faisant, je sentis fortement qu'il ne s'y trouvait aucune exagération, qu'elle ne contenait que la vérité. Cependant, comme il pouvait y entrer quelque méchanceté, je n'en conservais que tout ce qui était indispensable pour transmettre les impressions que j'avais reçues. En revoyant ainsi mes notes, je découvris que j'avais omis plusieurs points dont parlent ordinairement les voyageurs qui se mêlent d'écrire. Mais quelques pages d'observations générales fourniront, je crois, tout ce qu'on peut attendre d'une plume aussi frivole que la mienne.